Conte du pays d'Armor par Marie Delorme. Préface. L'enfant pleure ou s'ennuie, sa nourrice l'apaise avec une chanson ou l'amuse avec une histoire. L'enfance de l'humanité, comme celle de l'homme, a pris plaisir aux chants et aux récits. Les contes sont aussi vieux que notre race. Qu'ils devaient être bizarres, ces premiers essais de l'imagination humaine, ils étaient sans doute simples et courts. La mémoire y tenait une grande place, et les souvenirs du monde primitif y ont laissé une empreinte ineffaçable. Animaux fantastiques à combattre, mers à traverser, forêts immenses à défricher, tâches gigantesques à accomplir, tout cela ne rappelle-t-il point les premiers pas de l'homme sur la terre, alors que tout petit, tout nu, tout misérable, il défendait comme il pouvait une vie sans cesse menacée. Quand ces grands exploits étaient accomplis, les mères, orgueilleuses, les racontaient à leurs fils. La tribu en gardait la tradition, sans cesse augmentée et comme rajeunie de nouveaux épisodes, en passant de bouche en bouche. Aussi les contes ont-ils un fond commun à tous les peuples. Les détails familiers, inventés par les conteurs, prennent tout naturellement la couleur de ce qui les entoure. Paysages, demeure ou coutume, et voilà créer cette littérature populaire où se retrouve l'âme de l'humanité épanchant ses joies ou ses douleurs, ses passions ou ses haines, sa sagesse ou sa folie, dans des milliers de contes, chansons, héroïdes, fabliaux, ballades, dictons, proverbes, etc. Depuis une vingtaine d'années, l'étude de cet ensemble qu'on a appelé folklore occupe et même passionne à juste titre beaucoup d'esprits distingués. Dans le monde entier, des savants, des chercheurs recueillent chants, contes et légendes, les traduisent en les accompagnant de commentaires. En Angleterre, en Allemagne et en France tout particulièrement, ce travail a déjà acquis des proportions considérables. Sous ce titre, les littératures populaires de toutes les nations, il se publie chez M. Maisonneuve un recueil d'une haute valeur littéraire et scientifique. Presque toutes les provinces de France y sont ou y seront représentées. Ce sont les trois volumes consacrés par M. Luzel à la Basse-Bretagne qui ont fourni la matière des contes du pays d'Armor. J'en ai dû la communication à l'amitié de l'auteur. Je les ai lus et relus, et à chaque lecture, je sentais croître le désir de faire partager à la jeunesse et même au grand public le vif plaisir que j'éprouvais. Or, il faut bien l'avouer, les contes populaires ne peuvent être mis dans toutes les mains. Ils ont la saveur, mais aussi la crudité des choses incultes. De plus, recueillis uniquement dans un but d'érudition, ils intéresseront les amateurs de folklore, mais les redites, les longueurs, les épisodes parasites qui forcément les encombrent, lasseraient bientôt la patience des lecteurs profanes. Avec l'autorisation de M. Luzel, j'en ai choisi un certain nombre de gens variés et propres à donner une idée exacte de la merveilleuse richesse d'imagination qui caractérise les contes bretons. J'ai scrupuleusement conservé le fond même du conte. Je n'ai créé aucun type, ajouté aucun épisode. Je me suis borné à enlever tout ce qui pouvait alourdir la marche de l'action, à développer les situations et les caractères dans le sens où ils étaient esquissés, enfin à faire disparaître tout ce qui aurait écarté le livre de la bibliothèque de famille, et je l'offre aujourd'hui au public, non comme mon œuvre, mais comme celle des enfants de Breizizel. C'est un des meilleurs d'entre eux qui a recueilli ces contes. Pendant plus de 40 ans, avec un zèle patient que rien ne rebutait, il a écouté les conteurs et les conteuses, le crayon à la main, écrivant sous leur dictée. Mendiants et mendiantes, pèlerines, chanteurs, ouvriers, laboureurs, sont venus lui offrir leurs richesses, mines inexplorées, d'où il a su tirer des trésors précieux. Plus d'une fois, c'est au bord des routes, assis sur les bruyères des talus, ou sous le manteau noirci des grandes cheminées bretonnes, ou encore sur quelques rochers battus des vents de mer, qu'il a tracé en hâte les lignes pressées où se déroulent de si brillantes aventures. Sur cette terre de Bretagne, la terre de granit recouverte de chênes, le temps passe sans rien emporter. Ailleurs, les chemins de fer, les journaux, l'industrie, ce qu'on appelle le progrès, ont fait table rase des mœurs et des croyances. Dans les monts d'arrêt, il est bien des hameaux isolés où l'on s'habille encore de peau de bête, et où pour toute nourriture